بسم الله الرحمن الرحيم سنطول اليوم في سورة القمر في المسألة 75 بعد 100 175 مسألة في قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقار القمر dans la part d'Allah dans le sens où il dit et qu'ils ont appelé leur partenaire qui prit son épée puis la tua verset 29 c'est-à-dire qui tua la chamelle du peuple de Salih. La grande chamelle dans l'histoire de Salih avec son peuple. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala yadullu ala anna aqira annaqa wahidun wa qad ja'at ayatun ukhar tadullu ala kunihi ghayr wahid ka qawlihi fa'aqaru annaqa wa qawlihi fa'kadzabuhu fa'aqaruha. Donc ce verset démontre que celui qui a tué la chamelle était tout seul. Et d'autres versets sont venus démontrer qu'ils étaient plusieurs, comme dans sa parole dans le sens où Allah est dit, et qu'ils ont tué la chamelle. Fa'akaru, dernier, waw jama'a, c'est au pluriel. Al-A'raf, verset 77. Sa parole, lorsqu'il dit, et qu'ils ont démenti le prophète, et qu'ils l'ont tué. C'est-à-dire au pluriel. Al-Shams, le soleil, verset 14. Qala al-jawabu min wajhain. On répond sur les deux façons. Al-awwalu annahum. تمالأوا كلهم على عقرها فانبعث أشقاهم لمباشرة الفعل فاسند العقر إليهم لأنه برضاهم وممالاتهم ممالاتهم. Donc la première réponse, tout simplement qu'ils se sont tous mis d'accord pour pouvoir justement tuer cette chamelle. Et que malheureusement, c'est le plus perdant d'entre eux qui a été voué à faire cet acte directement. C'est-à-dire à prendre son épée et à tuer la chamelle. Mais l'action leur a été attribuée communément du fait qu'ils sont tous mis d'accord. C'est un complot, une conspiration. Donc ils sont tous coupables de cela. Et que ce tueur a agi avec leur agrément. Donc ce tueur a agi avec l'approbation des autres. Ils étaient complices avec lui dans ce qu'il a fait. Al-Wajh ath-Thani وما قدمنا في سورة الأنفال من إسناد ابن إسناد الفعل إلى مجموع مرادا به بعضه وذكرنا من الأنفال نظائره في القرآن العظيم والعلم عند الله تعالى. Et deuxième réponse, il a dit tout simplement que, comme nous l'avons cité dans Sourate Al-Anfal, dans une mas'ala précédente, que le fait d'attribuer un verbe, une action plutôt, que le fait d'attribuer une action à tout un groupe en ne voulant par cela que certains d'entre eux, et peut-être pas forcément tout le monde. D'accord ? Que des fois, un verbe peut avoir une forme qui englobe un pluriel général, et le sens voulu par là, c'est que certains d'entre eux, et pas forcément tout le monde. Quoi qu'il en soit, le hukm que l'on peut tirer de cette mas'ala, qui est connue en islam, c'est que toutes les personnes qui ont contribué à un acte, même si elles n'ont pas été ceux qui ont agi directement, sont compris comme étant coupables. Par exemple, des gens conspirent afin de tuer une personne, ils sont une dizaine. Le tueur n'est qu'un seul. Et les autres ont tous commandité cet acte-là avec lui. Ils se sont regroupés, ont discuté comment faire la chose. Et bien, ils sont tous considérés comme étant des tueurs en islam, bien évidemment. Donc, « Hada mafihi wa la mushkila »« Wa l'ilma indallahi ta'ala wa alhamdulillahi bil alamin »